Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 1er février 2018. Voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Après les irrégularités observées dans le recrutement des agents recenseurs qui vont établir l'officier électoral pour le prochain référendum constitutionnel et les élections de 2020, le parti Uprona recommande à la Commission électorale nationale indépendante de ne plus tolérer l'ingérence de l'administration. Les obsèques de la mère du président Melchior Ndadaye ont eu lieu ce jeudi à son domicile en commune Nyabihanga de la province Mwaro. Elle a reçu les adieux du président de la République à l'hôpital militaire où son corps reposait depuis sa mort le 27 janvier dernier. Et le président de l'Assemblée nationale affirme que les députés du groupe parlementaire Amizero Barundi ont donné leur contribution pour les élections à venir, même s'ils avaient protesté contre la procédure à travers une correspondance qu'ils lui avaient adressée. Pascal Nyabenda a donné sa contribution aujourd'hui. Un an après son décès, la dépouille de l'opposant Étienne Tshisekedi n'est pas rentrée au Congo. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Les funérailles de la mère de l'ex-président de la République et héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, se déroulent en ce moment à son domicile en commune Nyabihanga de la province Mwaro. Et toute la facture est supportée par l'État burundais, comme annoncé dimanche dernier dans un communiqué de la présidence de la République. Ces derniers adieux à l'hôpital militaire de Kamenge ont été rehaussés par la présence du président de la République, Pierre Nkurunziza. La mort de Thérèse Bandushubgenge, dont le fils fut élu chef de l'État burundais en 1993, est survenue le 27 janvier dernier à l'âge de 82 ans. Le parti Uprona demande à la Commission électorale nationale indépendante de ne pas accepter l'ingérence de l'administration dans son travail. C'est après que certains administratifs aient été accusés de se mêler dans le travail des commissions électorales communales pour établir les listes des agents recenseurs. Pour le secrétaire général du parti Uprona, cela risque d'entacher la crédibilité du prochain référendum et des élections de 2020. Mais Olivier Nkurunziza dit qu'il est encore tôt pour que la CENI se ressaisisse et corrige ses imperfections. Suivez-le au micro de Au niveau du parti Uprona, nous avons vu qu'au début, il y avait des critères. Ce sont des critères qui sont vraiment bien sélectifs. Au niveau du parti Uprona, nous demandons que les agents de la CENI soient effectivement indépendants et suivent les consignes qui ont été données par la CENI. Vous voyez ici au Burundi, nous avons beaucoup de chômeurs. Nous conseillons ces gens de la CENI d'être indépendants pour ne pas être influencés par soit l'administration, par les responsables des partis politiques ou éviter clientélisme et népotisme. Cela parce que ça peut entacher le processus d'enregistrement. Vous savez, l'enregistrement, c'est la base de tout. On va enregistrer les gens qui ont voté pour le référendum, mais aussi pour les élections de 2020. Il faut que ce processus soit bien assaini, effectivement, pour que les élections de 2020 soient les élections libres et transparentes. Effectivement, la transparence commencera à partir des listes. Alors, nous demandons à la CENI de corriger tous ces problèmes. Nous avons entendu dans les différents problèmes ces grognes. Mais c'est très tôt, on peut corriger. Là, vous voyez, on n'a pas encore commencé l'enregistrement, il est très tôt. On peut quand même continuer. Nous avons des responsables au niveau de la CENI, au niveau des CECI. Nous avons des informations. Alors, tout est là. Qu'il y ait un problème, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est de trouver comment trouver une solution à un problème posé. Dans la suite de ce journal, 10 ans de prison et une amende de 5 millions de francs burundis, c'est la sentence prononcée par le tribunal de grande instance de Mwaro contre un homme de la commune Nyabihanga lors de l'audience publique de ce mercredi dans le cadre des procès de flagrance. Son co-accusé dans un vol de fusil qui a eu lieu il y a environ 3 semaines dans la même commune de Nyabihanga écope d'une année de prison et d'une amende d'1 million de francs burundais. Les autres détails dans cette correspondance de Laurent Dicourio. Au cours de l'audience publique dans le cadre des procès de flagrance au tribunal de grande instance de Mwaro ce mercredi, le parquet avait accusé 3 hommes de la commune Nyabihanga après qu'un fusil ait été volé le 9 janvier de cette année. La première personne accusée par le parquet de cette province de Mwaro est Ndouaï Isaac de la colline Mohaganya en commune Nyabihanga. À la charge de cet homme, il y avait les infractions de vol qualifié et de détention illégale d'armes à feu. La deuxième personne est Ndouaï Richard, natif de la colline Muyange en commune Nyabihanga, accusé par le parquet pour dénonciation calomnieuse et il a été acquitté par le tribunal. La troisième personne qui a été accusée par le parquet de ces provinces est Augustin Abonimana, originaire de la colline Mitelama, de la même commune de Nyabihanga. Il a été accusé lors de ce procès de vol qualifié et de manquement à la solidarité publique. Lors de cette audience publique, ces trois personnes accusées se sont jetées mutuellement la responsabilité. Après délibération, le tribunal de grande instance de Moaro a prononcé contre le nommé Isaac Ndoayo une peine de servitude pénale de 10 ans et une amende de 5 millions de francs pour vol qualifié et détention illégale d'armes. Quant à Abonimana Augustin, le tribunal de grande instance de Moaro a prononcé contre lui un jugement, une peine de servitude pénale d'une année et d'une amende d'un million de francs pour manquement à la solidarité publique. Signalons que ce fusil de type Kalachnikov avait été volé au poste de police de Mbogora en commune de Nyabihanga. Il a été déjà saisi par le parquet de la République dans cette province, comme le stipule le procureur de la République dans cette province de Moaro. Depuis Moaro, Laurent Dikurio, Radio Isanganiro. Merci Laurent Ndikuriyo. Et le gouverneur de la province Bobanza met en garde les chauffeurs qui revoient à la hausse le ticket de transport contrairement à celui fixé par le gouvernement. Tarcisse Niyongabo appelle l'administration communale et les forces de l'ordre à faire respecter les prix des tickets tels qu'ils ont été établis par les organes habilités. De plus, il recommande aux passagers de dénoncer les chauffeurs qui spéculent sur le ticket de transport. Spes Caritas Kabanyana. Josephine Mahayo, c'est une femme qui se déplaçait ce mercredi de Moussigny en commune Manda vers Bouanza. Elle n'avait sur elle que 1000 francs au ticket reconnu par l'État. Mais à sa grande surprise, le chauffeur lui a obligé de payer 1500 francs. Le chauffeur a fini par céder après beaucoup de discussions. Quand on se déplace de Randa vers Bouanza, on est obligé de payer 1000 francs alors qu'on devrait payer 700 francs. De Bujumbura vers Bubanza, le ticket exigé par les transporteurs est 3500 francs, alors que l'État a fixé 2970 francs. De Bubanza vers Mosigati, on paie 1500, alors que le prix reconnu est 1000 francs. Dans sa mesure, numéro 531.01/46-30 janvier 2018, portant accompagnement pour le respect des prix de transport, tels qu'ils ont été fixés par l'État, le gouverneur de la province de Bubanza met en garde les chauffeurs qui ont fixé leurs propres prix contraires à ceux reconnus. Tarcisse Niyongabo recommande aux administrateurs dans les communes et aux forces de l'ordre de faire respecter les prix fixés par l'État. Mais aussi, les passagers sont appelés à dénoncer tout chauffeur qui exige des tickets élevés afin qu'il soit sanctionné conformément à la loi. Descalitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'Assemblée nationale est en train de collecter des cotisations pour appuyer les élections de 2020, comme d'autres institutions sont en train de le faire. Et à propos de la correspondance récemment adressée au bureau de l'Assemblée nationale par les députés du groupe Amizero Yabarundi, stipulant que l'ordonnance ministérielle demandant ces contributions a été initiée en toute violation de la constitution burundaise, ces derniers ont constaté qu'ils s'étaient trompés, comme le dit Pascal Nyabenda. Président de l'Assemblée nationale, il venait de verser une somme de plus de 4 millions de francs burundais à la BRB comme contribution individuelle, comme il l'a indiqué à la presse. Suivez-le. Ce jeudi 1er février 2018, je viens de faire un travail de tout citoyen burundais, de contribuer pour les élections de 2020. Je viens de répondre à un appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce n'est pas seulement un appel qu'il a donné de contribuer pour les élections 2020, mais lui-même, il a montré un exemple en contribuant le premier pour ces élections. Alors, je viens de contribuer une somme de 4 800 francs burundais. Et c'est à mon nom propre, mais c'est aussi au nom de ma famille pour répondre justement à cet appel, comme je viens de le dire. C'est un travail qui honore tout Burundais. De contribuer pour les élections de son pays. Alors, à côté de ce que je fais en tant que président de l'Assemblée nationale, un honneur que Dieu m'a donné, c'est aussi une contribution que je viens de donner en provenance de la récolte que je fais. En fait, je suis cultivateur, mais aussi je suis éleveur. Et je pense que ce n'est pas une dernière contribution que je viens de donner. C'est-à-dire que je cultive souvent la culture du riz. Et dans mai ou après dans mai, si je récolte encore, ça veut dire que je vais venir encore une fois pour donner une autre contribution. Comme je viens de le dire, ce n'est pas la toute dernière. Mais aussi, je profite de l'occasion pour lancer un appel à tout Burundais qui aime son pays, de pouvoir lui aussi venir contribuer pour que nous puissions arriver en 2020 étant en position forte de pouvoir organiser des élections nous-mêmes en tant que Burundais. Vous venez de contribuer à quand à l'Assemblée nationale? Comme je viens de le dire et je viens de donner ma contribution en tant que honorable Pascal Nyabenda, mais aussi au nom de ma famille, très prochainement, nous sommes en train de collecter une contribution au nom de l'institution en tant qu'Assemblée nationale. Nous allons alors revenir avec cette contribution comme les autres institutions sont en train de le faire. Oui, et très récemment, il y a les députés qui vous ont adressé une correspondance disant que ces contributions n'étaient pas conformes à la Constitution. Vous avez vu ce document. Quelle est la réponse que vous réservez à ce document? Oui, j'ai vu ce document de ces honorables députés en provenance des indépendants, Misero. Je pense qu'ils s'étaient trompés parce que après ils ont produit un autre document contraire au premier et aussi ils ont donné leur contribution. Les membres de la coopérative Women Cleaning Group, chargés de faire la propreté à mairie de Bujumbura, s'indignent contre leurs responsables. Ils les accusent de retenir leur salaire d'au moins 4 mois sans aucune explication. Au moment où les chefs de la coopérative font savoir que le retard de paiement est dû au manquement de la mairie de Bujumbura, cette dernière s'en défend. La coopérative doit plutôt rétablir ses employés dans leurs droits car, dit-elle, elle s'est déjà acquittée de ses devoirs. Mhubuje umwana mazindwi zitatu baramwirukanye mutubaritu igituma yotwara umushahara wabapfakazi n'impfuvye nabaje batamakazi birababaje kandi birateye agahinda kubona umuntu amaze. Ces employés de la coopérative Women Cleaning Group qui se plaignent affirment que certains parmi eux viennent de passer 4 mois sans être rémunérés alors qu'ils ont toujours été au travail. Ces membres d'une association chargée de la salubrité en mairie de Bujumbura pointent du doigt leur chef qui serait responsable de ce retard de paiement. C'est décevant de travailler durant 4 mois sans être rémunéré. Quand nous nous adressons à nos responsables, la réponse qu'ils nous donnent est toujours défavorable. On nous indique que nos salaires sont gérés par Chantal et Aboubakar, qui sont les représentants de notre coopérative. Que nos salaires soient débloqués parce que c'est déplorable de toujours nous plaindre à cause des retards de paiement. J'estime qu'ils avaient confiance en nous quand ils nous recrutés. Nous réclamons nos salaires auprès de la coopérative car c'est elle qui nous a employés. Parfois, ils disent que nos salaires ont été décaissés et d'autres fois, c'est le contraire. Nous mourons de faim qui nous disent pourquoi ils retiennent les salaires des personnes âgées, des orphelins et veuves. Au cas contraire, nous allons porter plainte auprès des juridictions compétentes. La rédaction n'a pas pu joindre le nommé Aboubakar pour qu'il apporte la lumière à ce sujet. Mais Chantal, quant à elle, ne nie pas que ses employés n'ont pas encore perçu leur salaire, mais que la mairie a une part de responsabilité. Contacté à son tour, le chargé du service salubrité en mairie de Bujumbura indique que les responsables de Women Cleaning Group devraient plutôt régulariser les salaires de leurs employés, car la mairie a déjà payé la dite coopérative. Merci Francine pour cette traduction et reportage. Certains ménages de la zone urbaine de Nyakabiga disent être préoccupés par les déchets ménagers non enlevés. Cela fait plus de 2 mois. Et certains préfèrent brûler les sacs de déchets alors que d'autres payent ceux qui les enlèvent sur leur tête. Au niveau de la zone Nyakabiga, le chef de zone indique être au courant de la problématique, mais qu'il attend l'issue d'une réunion entre l'administration et la société Biseko chargée d'enlever ces saletés. Mireille Kanyang. Arrivé dans certains ménages de cette zone, n'empêchant pas notre œil à regarder autour et dans les parcelles, l'on aperçoit des sacs pleins de déchets ménagers ici, des sacs vides ailleurs. Interrogé sur la gestion des déchets chez eux, ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer sur notre micro pour leur sécurité, disent-ils, affirment avoir choisi le moindre des maux au lieu de voir les leurs, surtout les enfants, attrapés par des maladies des mains sales. Ainsi, ils brûlent ces déchets. D'autres, par contre, payent des gens qui transportent ces saletés sans avoir une idée où elles sont déposées. Ces habitants font savoir que cela fait plus de 2 mois qu'aucune association ne vient récupérer les déchets, mais d'autres encore affirment qu'ils n'ont pas de problème de déchets ménagers. Après avoir recueilli ces idées, nous nous sommes rendus à un dépotoir clandestin près de l'Université du Burundi Campus Mutanga, à l'avenue de l'imprimerie, à côté de l'école EPJP, là où l'on a trouvé plein de saletés éparpillées, des gens qui tournaient et retournaient ces immondices, d'autres encore récupéraient des bouteilles en plastique hors usage. Du côté de la zone Nyakabiga, le chef de zone dit être au courant de cette problématique, mais il dit attendre l'issue d'une réunion entre l'administration et l'organisation Bisiko chargée d'enlever les déchets ménagers en zone Mukaza. Nous avons tenté de joindre au téléphone le chargé de la communication dans cette organisation, mais sans succès. Merci Mireille Kanyangé. Je vous l'avais dit au début de ce journal, et nous venons de joindre notre envoyé spécial à Mngaro. Les funérailles de la mère de l'ex-président de la République et héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, se déroulent en ce moment à son domicile en commune de Nyabihanga de la province de Mngaro. Et toute la facture est supportée par l'État burundais, comme annoncé dimanche dernier dans un communiqué de la présidence de la République. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Arthur Kavabushi qui nous donne les détails de ces cérémonies. Ces cérémonies de funérailles de la défunte Bandushubienge Thérèse, la mère du président défunt du Burundi, Melchior Ndadaye, ont débuté vers 11h par une messe et qui a été célébrée à la colline Mbogora de la commune de Nyabihanga, en province Mwaro. Celui qui a célébré cette messe a indiqué que c'est un événement national et dans l'évangile de Saint Jean, il a fait savoir que celui qui aime sa vie la perdra. Dans son homélie, le célébrant a fait savoir que la défunte avait un don car elle a pu pardonner à ceux qui ont assassiné son fils le 21 octobre 1993, son fils qui était président de la République du Burundi, ce qui dans ce pays manque chez beaucoup de Burundais. Ce prêtre a dit que c'est compréhensible que celui qui a perdu le sien soit fâché, mais qu'il faut aller jusqu'à pardonner. Le célébrant de la messe a souligné que la défunte était la maman pour tous les Burundais et que sa famille a été un modèle vu ce qu'elle a traversé et ce que le pays a traversé. La défunte avait 82 ans. Cette cérémonie continue et on connaît la participation de l'épouse du président Ndadaye Melchior, Laurence Ndadaye, Nestor Bangumukunzi, ministre des Transports, Postes et Télécommunications, qui a été envoyé spécial du gouvernement, Sylvestre Nibantunganya, ex-président du Burundi et qui a été compagnon de Ndadaye Melchior, Pierre-Claver Nahimana, secrétaire général du FRODEBU et qui fut ministre de l'Agriculture et de l'Élevage dans le gouvernement de Ndadaye Melchior, Léon Sengendakumana, vice-président du FRODEBU et qui fut président du Parlement burundais. Arthur Kavabushi sur la colline Mbogora, dans la commune de Nyabihanga, en province Mwaro, pour la radio Isanganiro. Merci Arthur pour tous ces détails pour boucler ce journal. Voici un an, ce 1er février, que l'opposant congolais Étienne Tshisekedi est mort. Un décès qui est survenu à Bruxelles, il faut d'accord entre l'UDPS, son parti et le gouvernement à Kinshasa. Le corps de Tshisekedi est toujours dans un funérarium à Bruxelles. Et pour le camp Tshisekedi à Bruxelles, la priorité numéro 1 est le rapatriement en RDC du corps de l'ancien Premier ministre. Et c'est là qu'il doit être enterré dans la concession familiale en scellé dans la banlieue de Kinshasa. Et le temps est compté. La famille a déjà déboursé quelque 16 000 euros pour le maintien du corps dans ce funérarium de la capitale belge. Les deux parties, la famille biologique et la famille politique d'une part et le gouvernement de l'autre se rejettent la responsabilité dans ce retard. La famille Tshisekedi devrait participer à une veillée funéraire organisée ce jeudi après-midi à Bruxelles avant une messe de requiem qui sera donnée samedi dans une église bruxelloise. Il est 13h15 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, particulièrement à Léon Subitario. Ce journal a été mis en onde par Elie Kadogo. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un bon après-midi.